Ok, bon, c'est à ton tour de jouer. Non, t'as encore gagné. Messieurs, mesdames, personnes non binaires, tout le monde parle de ChatGPT et la révolution de l'intelligence artificielle, mais personnellement, je suis sceptique. On sent qu'on est encore dans la vallée de l'étrange et les réponses au script ne sont pas entièrement satisfaisantes. C'est donc l'heure de vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est une alternative parfaite à ChatGPT. Il s'agit de Bois Pété. Bon, Bois Pété, est-ce que tu peux me donner la liste idéale pour préparer une partie de jeu de rôle? Boba Pété préférait la bêtise réelle à l'intelligence artificielle. Resalut donc, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave, un sujet sérieux, un sujet qui fait trembler la République, puisqu'on va parler un petit peu, d'organisation et de méthode pour faire du jeu de rôle. Et ouais, on va parler de méthodologie. Alors, évidemment, l'objection que tu vas pouvoir me donner, c'est, écoute, le jeu de rôle, c'est un loisir, pourquoi il faudrait s'organiser, quoi? Eh bien, la réponse que j'ai à te donner, en fait, c'est que, je pense que toute activité de la vie, même les plus triviales, les plus loisirs, peuvent nécessiter de l'organisation. En fait, ça va dépendre de la quantité de matériel, de choses que tu as programmées, de choses que tu dois penser à faire et à préparer, et de la charge mentale que ça requiert, quoi. Et puis aussi en fonction de tes obligations par ailleurs, peut-être que le loisir jeu de rôle, c'est pas quelque chose qui est très exigeant pour toi, mais par ailleurs, tu as plein de choses dans la vie à faire et à penser et tout. Donc ça va s'ajouter, quoi. Voilà. Donc en plus, si tu joues en multi, et ouais, il paraît qu'il y a encore quelques personnes qui font du jeu de rôle à plusieurs, hein, tout le monde n'est pas absolument converti au JDR solo, et tu vas aussi avoir en fait les autres personnes, c'est-à-dire que tu vas peut-être vouloir t'assurer que ces autres personnes, elles participent bien, elles tiennent leur engagement à venir, donc voilà, faut les relancer, tout ça, faut que tu t'assures qu'elles fassent ce qui leur est demandé, faut que tu t'assures de pouvoir penser à leur demander de préparer telle chose, préparer leur personnage, réviser des éléments d'univers, de règles et tout. Voilà, enfin, en fait, il y a tout un tas, un truc social, un truc d'équipe à gérer juste pour que la partie existe, pour que la partie ait lieu. Donc, je vais te donner un petit peu mon point de vue sur voilà sur l'organisation, comment on peut mettre les choses en place de la façon, on va dire, la plus légère, mais en même temps la plus exhaustive possible. Donc, on va ensemble dérouler quelques méthodes. La première méthode, c'est dégraisser. En fait, si tu veux pas avoir à t'organiser, eh bien il faut que tu rendes des choses simples en fait. Si tu donc essaye un petit peu de lister sur papier ou mentalement tout ce que tu dois faire pour préparer une partie de jeu de rôle et vois tout ce que tu peux dégager en fait de cette liste. Pour réduire en fait ta préparation de jeu de rôle à la plus simple expression. Pour donner un exemple, peut-être que tu peux dire bon j'arrête de préparer des scénarios, j'improvise. Hein. Donc, je te renvoie à la vidéo sur l'improvisation et là tac, t'as simplifié le truc d'un coup quoi. Pareil pour l'organisation des parties qui est quand même un truc qui peut prendre du temps et tout. Peut-être prévois un agenda fixe. Tu dis à ton équipe on va jouer tous les vendredis soirs de chaque mois, éventuellement, exception faite de, je sais pas moi, de décembre et puis de l'été quoi. Mais sinon, on joue voilà tous les vendredis, toujours les mêmes horaires, tac tac. Voilà, fait que tu as pas à recaler des dates à chaque fois, à relancer tout le monde. C'est C'est clair, net, précis. On s'organise une fois, puis après, on n'y pense plus, quoi. Voilà, et puis pareil, eh ben, pour t'épargner un petit peu le boulot de relance, tout ça, machin, bah, peut-être fais des tables ouvertes, c'est-à-dire que tu as un pool de personnes qui sont invitées le vendredi soir, quoi, et puis bah, qu'il y en ait 3 ou 10 qui viennent, tu es capable de faire quelque chose, quoi, avec ces personnes-là, quoi. Donc ça, c'est le principe de la table ouverte, qui te limite le boulot sur la relance, quoi, hein, grosso modo, quoi. Donc si tu es flexible sur le nombre de joueuses, je pense que ça va t'alléger tout le boulot, bah, de réunir les gens, en fait. Ensuite, on va voir les méthodes suivantes, bah, qui pour le coup, là j'ai parlé de dégraisser l'organisation, les méthodes suivantes, bah, sont un peu à l'inverse. Au contraire, on va plus s'organiser, quoi. On va baliser certaines choses et du coup, on va avoir besoin de plus de méthodos. Et grosso modo, ces méthodes, elles se basent sur le mantra suivant, c'est que si jamais tu dois faire une chose plusieurs fois, automatise-la. C'est-à-dire, ça passe par la mettre dans une liste. Où ça passe par bah, l'automatiser, c'est-à-dire faire des liens hypertextes et tout, faire des modèles de messages, enfin, que tu n'aies pas à refaire totalement l'action à chaque fois, c'est un petit peu automatisé. Alors, la deuxième méthode, donc, c'est la checklist, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas te faire un modèle de checklist très générique. C'est ta checklist jeu de rôle de tout ce que tu dois préparer, voilà, pour une partie de jeu de rôle. Tu mets ça dans une liste une bonne fois pour tout, et puis tu recopies pour chaque partie. Tu recopies cette liste, quoi. Alors, tu peux mettre ça sous forme de tableau, si tu veux, des tableaux à thème avec, par exemple, comme thème, on peut mettre le nom du jeu. Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est en virtuel? Ça peut éventuellement changer des choses, quoi. Si tu veux personnaliser, bah, moi je t'invite à mettre ton tableau, bah, sur un tableur, quoi. Et puis tu peux utiliser la fonction filtre de ton tableur. Donc par exemple, tu vas que si c'est comment, si c'est en présentiel, tu n'as pas les mêmes informations, la même liste que si c'est en virtuel. Donc tu as juste à filtrer, tu vois, pour obtenir ton tableau personnalisé à chaque fois. Moi, je te conseille aussi de te mettre des alarmes dans ton agenda. Alors, il y a plusieurs types d'alarmes. Moi, je prévois une alarme pour relancer les gens, soit au début de la semaine, soit le matin, tu vois, du jour où on va jouer, quoi. Ouais, parce que je sais pas toi, mais moi, j'ai un peu des joueurs, des joueuses, des fois poissons rouges. Si tu les relances pas deux fois, elles vont juste pas se rappeler qu'il y a une partie, quoi. Donc voilà la relance. Je mets des petites alarmes pour programmer la fin de la partie. Genre, enfin, moi je mets une alarme une demi-heure avant la fin de la partie, hein. Donc comme ça, je sais que j'ai une demi-heure pour qu'on arrive à une conclusion, quoi. Voilà. Et ces alarmes, en fait, te rappeler qu'il faut mettre une alarme, tu peux le mettre dans un checklist. Ou alors, bon, bah, si tu fais tes parties tout le temps, bah, tu fais des alarmes récurrentes sur ton téléphone, quoi. Si tu fais des parties toujours sur le même créneau. Donc ça, c'est la deuxième méthode, la méthode de la checklist. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, bah, pour le moment, est-ce que c'est intelligent? Bon, il valide. Donc, on continue. La troisième méthode, bah, toujours, bon. Ce qu'il y a pour préparer, il y a trois choses qui prennent du temps dans la préparation d'un jeu de rôle. La première, c'est tout ce qui est scénarisation et puis révision des règles. La deuxième, c'est tout ce qui est préparer le matos, tu vois, pour mettre dans ton sac et aller jouer. Et la troisième, bah, c'est, j'en parle beaucoup, c'est tout ce qui est recrutement de personnes pour jouer, planification, bah, de l'équipe et tout. Et donc pour ça, moi je t'invite à te créer des mailing lists, c'est-à-dire que, voilà, notamment si tu joues en ligne et tout, ça peut être utile. Tu te constitues un panel de personnes qui sont régulièrement intéressé par tes parties, quoi. Et donc, quand tu programmes une partie, bon, bah, clac, t'envoies le message, dire, ouais, il y a telle partie qui est intéressée, t'envoies le message à ta mailing list. Moi, je me fais beaucoup aussi des Discord lists, c'est-à-dire, je fais un groupe Discord, tu mets jusqu'à 10 personnes dans un groupe Discord, où tu. Ben voilà, c'est les personnes que tu invites tout le temps sur les parties de la semaine, quoi. Donc, à chaque fois que tu as un message, moi, pour annoncer des parties, j'utilise aussi beaucoup des plateformes comme l'Auberge Virtuelle ou encore Opal Rollist. Tu vas faire un message qui présente la partie sur l'Auberge Virtuelle et Opal Rollist, et après, bah, sur tous les groupes Discord où tu présentes ta partie, tes Discord list, tes mailing list, tu dis. Voilà, grosso modo, moi j'ai un message générique. Là, c'est comment on est sur le. Je fais telle partie vendredi. Pour le détail de la partie, bah, clac, lien vers l'auberge virtuelle ou lien vers Opal Rollist pour le descriptif, quoi. Voilà, bon, bah, maintenant on va passer à la quatrième méthode, qui là est un petit peu plus, je dirais, ambitieuse. Bah, c'est de t'intégrer, en fait. Intégrer ta préparation de jeu de rôle dans une méthodo plus grande. Donc il faut que tu saches que personnellement, il y a deux livres qui ont changé ma vie. Le premier, c'est l'Appel de Cthulhu qui m'a révélé en fait qu'on n'était que d'insignifiants amas de molécules dans un univers aux mains d'entités colossalement hostiles. Et le deuxième livre qui a bouleversé, révolutionné ma vie, c'est la méthode Getting Things Done par David Allen. Donc, je vais te l'expliquer en gros, en vitesse. Donc, moi, c'est une méthode que, bon, il y a des applications. Personnellement, c'est une méthode que je mets en œuvre sur un tableur Excel, que je trouve plus flexible et tout. En description, tu auras vraiment beaucoup d'infos là-dessus. Donc, là, je vais te le résumer vite fait. Mais grosso modo, c'est une méthode pour faire une sorte de méga to-do list. Et c'est trié. Tu mets la date à laquelle tu lances tu lances l'action. Éventuellement, tu peux mettre aussi une deuxième colonne avec une date qui est un peu la date d'échéance et si tu as des deadlines, hein. Tu te mets voilà, le type de l'action. Est-ce que c'est une action à faire maintenant? Est-ce que c'est une action à faire plus tard? Tu te mets la catégorie, genre, par exemple, est-ce que c'est. Pour tout ce qui est, moi, par exemple, tu mets de catégorie salon pour si c'est des trucs que tu as physiquement à préparer, tu vas prendre un bouquin, des choses comme ça. Ça va être ordinateur, bon, bah, si c'est un truc à faire sur l'ordinateur, internet, enfin, tu dois trouver la catégorie qui correspond à l'action que tu dois faire. Tu vas mettre le projet, donc par exemple, là, le projet pour une partie de jeu de rôle, ça pourrait être, voilà, ma partie de Shadowrun de vendredi, quoi. Et donc, quand je dis, alors c'est là où je parle d'intégrer une méthode plus vaste, bah, tu peux en profiter pour organiser ta vie de tous les jours, ta vie professionnelle, ta vie domestique et tout, bah, sur ce tableur. Donc, les catégories, ça peut être des trucs qui, du coup, n'ont plus rien à voir avec le jeu de rôle. Ça peut être le ménage, ça peut être tes dossiers professionnels en cours, enfin, voilà. Moi, tu vois, je mets tout en vrac dans le même tableur, quoi. Et puis, donc, bah, évidemment, il y a une colonne sur la description de l'action. Ça peut être, par exemple, réviser le scénario, écrire un scénario, appeler telle personne. Après, il y a le statut, grosso modo. Est-ce que l'action, elle est en cours à faire, ou est-ce qu'elle est terminée? Voilà. Ça, c'est. Et après, avec les outils de filtre. Tu peux faire ça. Moi, généralement, je te conseille de faire un deuxième onglet, en fait, où là, tu vas mettre tes checklists. C'est-à-dire que c'est des listes, mais génériques. C'est pas des trucs à faire. C'est des trucs que tu vas recopier. Donc là, si tu vas dans le truc, tu tags checklist préparation de jeu de rôle, hop, et puis tu recopies dans ta liste du jour, tu actualises avec c'est la partie de vendredi temps, et ainsi de suite. Bon, j'espère que c'était pas trop. Voilà, j'ai pas voulu faire des captures d'écran avec du Excel porn et tout. Donc j'ai essayé de te l'expliquer comme ça, verbalement. J'espère que ça va aller. Sinon, bah, je te renvoie vers des articles où là c'est quand même décrit très très dans le détail. Si vraiment tu veux creuser cette approche. Et alors, la cinquième méthode, c'est plus un encouragement en fait. C'est que du coup. Une fois que tu as fait que tu t'as fait un tableur Excel pour organiser tes parties de jeu de rôle, ben tu peux faire la même chose en fait, par exemple pour créer des jeux quoi. Moi, si tu veux, j'ai une checklist création de jeu avec les trucs rédactionnels de base qu'il faut faire à chaque fois. Type se rappeler qu'il faut faire une correction orthographique, qu'il faut traquer les doubles espaces, ou que des petits trucs de présentation de jeu, par exemple, j'ai les trois choses à dire qu'il faut dire sur ton jeu en introduction, tu vois. Et puis tout simplement, moi je prends plein de notes pour mes futurs jeux, quoi. Et donc des fois c'est sur plusieurs années, hein, ça peut arriver. Et donc ces notes elles sont dans le tableur Excel. Et puis du coup, quand je vais vraiment m'atteler à la rédaction du jeu, eh ben j'ai déjà le truc tout trié. Bon, je suis à peu près sûr d'en avoir déjà parlé. Voilà. Et tu peux aussi faire la même chose pour les conventions. C'est-à-dire que moi j'ai mes checklists de conventions, tout ce qu'il faut penser à prendre. Pour une convention, éventuellement ce qu'il faut penser 15 jours avant, ce qu'il faut faire l'annonce de la convention, tu vois, ainsi de suite. Je sais pas, préparer ton blabla car pour aller en convention, voilà, ce genre de choses. Voilà, bah c'était peut-être une vidéo un petit peu prise de tête et tout, mais moi personnellement, je trouve que l'organisation, c'est pas de la prise de tête, au contraire, ça m'allège beaucoup l'esprit, voilà, que les choses soient préparées, un petit peu automatisées. Ça m'enlève vraiment beaucoup de stress personnellement. Donc, je trouve que c'est vraiment un prétexte pour un rendu de s'organiser. Tu me diras ce que t'en penses. T'as le droit de ne pas être d'accord et plutôt du côté chaos et tout. Il n'y a pas de souci, il faut tout pour faire un monde. Sur ce, je te fais des gros bisous. Et comme d'hab, l'interrupteur ne marche pas, donc je vais encore arrêter à la main comme un gros clodo.